Thank you. gosse avec du bon bec dedans. Lolita, défends-toi, vous y un coup de râteau dans le dos. suis qu'un fantôme quand tu vas où je suis pas. Tu sais, maman, que je suis mon gars. Avec Cyberdog au clavier, c'est sympa. Lola. Thank you. Thank you.